Attention à vous, messieurs les garçons, à vos gentilles et délicates attentions. Que voulez-vous dire avec un petit verre à la maison? Que comptez-vous faire après l'addition? Attention à vous, messieurs les garçons, à vos belles voitures et vos sièges nylon. Que voulez-vous faire sous mon jupon? Que comptez-vous faire dans le salon? Attention à vous, messieurs les garçons, à vos belles chemises en soie et coton. Que voulez-vous dire par problème d'audition? Je ne suis pas fille, canapé, promotion. Attention à vous, messieurs les garçons, à vos belles chaussures cirées marron. Je suis bien fichu de les salir pour de bon, et de vous mordre la joue si vous jouez au polisson. Attention à vous, messieurs les garçons, à vos bijoux sous les caleçons. Je suis tenté de les viser comme un ballon. Si vous continuez dans vos intentions, attention à vous, messieurs les garçons, ne draguez pas les filles en pantalon. Vous ne savez jamais si elles en sont. Vous serez surpris de leur position. Attention à vous, messieurs les garçons. Garçon rime bien sûr avec pulsion. Une fille a toujours besoin d'un compagnon qui lui dit je vous aime sous le balcon. Attention à vous, messieurs les garçons.